c'est parti, un petit son sympathique pour les fous, les asthmatiques, ceux qui respirent plus quand tout à coup y'a pas de beat. Bienvenue dans le cockpit, t'inquiète pas ici c'est cosmique, y'a pas de fric donc pas de hic, et de toute façon c'est comique de les voir s'allonger, garder les subs cambrés pour faire un hit. Les récompenses sont pour les chiens, je te les laisse, tes victoires de la musique, victoire de business, embrasse mes fesses, par moyen que l'on me dicte, contre qui ou quoi iront mes vindictes, c'est ainsi la messe est dite. Je reste sur le tempo, pas de tempo, si t'aimes faux, bouger la tête, et puis faux, colo son faux, partager faux, zapper les faux qui saoulent trop, et mettre des sons qui tapent faux, éviter les fausses notes pour faire avancer le mouvement saut. Y'a bien des figurants effacés, des façades et face B, laisser la place aux femmes, aux hommes fâchés, vrai pas fashion, réellement engagé, 200% dans le hip hop, c'est ça, engagé, on ne marche pas avec une carotte. Tout le monde bouge, personne ne sera blessé, on est venu prôner la renaissance du rap français, celui qui pousse à penser, agir avant de parler, en effet, musique de résistance, ça c'est un fait. Tout le monde bouge, personne ne sera blessé, on est venu prôner la renaissance du rap français, celui qui pousse à penser, agir avant de parler, en effet, musique de résistance, ça c'est un fait. Hip hop non-stop, hip hop one-stop, hip hop hip hop, yeah. Ma limite le ciel, laisse-moi décoller, faut pas déconner. Je vais faire partie de ceux qui sont reconnus, pas pour ce qu'ils sont, mais parce qu'ils ont donné de l'espoir, du courage et des idées. Grâce à ça, on sera jamais décimé. C'est pas l'argent qui va nous décider, non, jamais abandonner. Je suis pas là dans l'état d'esprit des petits cons et de l'industrie. Plus libre qu'un pur sang, 100% pur, sans moi je suis fruit. Et je chie sur leur façon de faire de la musique. Et je rechigne de courber les chines devant les seigneurs et leur team. C'est comme ça et plus point barre. Tu kiffes pas, t'écoutes pas, tu pars. T'inquiète pas avec ou sans toi. De toute façon, ici on se marre. Je me prends pas trop au sérieux. Je prends le mic et je fais de mon mieux. S'il y a des réactions, c'est tant mieux. Parce que j'aurais fait ce que je peux. Je vois toutes les têtes bouger, d'avant en arrière bouger. Les troupes motivées et les consciences aiguisées. Le rap tel que je le vis, tel que je le vois, jamais épuisé. De toute façon, je m'inquiète pas, y aura toujours à y puiser. Tout le monde bouge, personne ne sera blessé. On est venu prôner la renaissance du rap français. Celui qui pousse à penser, agir avant de parler. En effet, musique de résistance, ça c'est un fait. Tout le monde bouge, personne ne sera blessé. On est venu prôner la renaissance du rap français. Celui qui pousse à penser, agir avant de parler. En effet, musique de résistance, ça c'est un fait. Tout le monde bouge, personne ne sera blessé. On est venu prôner la renaissance du rap français. Celui qui pousse à penser, agir avant de parler. En effet, musique de résistance, ça c'est un fait. Tout le monde bouge, personne ne sera blessé. On est venu prôner la renaissance du rap français. Celui qui pousse à penser, agir avant de parler. En effet, musique de résistance, ça c'est un fait. Hip hop non-stop, hip hop one-stop, hip hop ha! Hip hop, yeah! Hip hop non-stop, hip hop one-stop, hip hop ha! Hip hop, yeah! Je veux que ma voix porte là où mes yeux ne peuvent se poser. Mes mots comme des papillons, des tempêtes puissent créer. Au début, une légère brise va souffler, s'amplifier jusqu'à ce que leur empire soit brisé. Hip hop non-stop, hip hop one-stop, hip hop ha! Hip hop yeah! Hip hop non-stop, hip hop one-stop, hip hop ha! Hip hop yeah! Et si c'était mieux avant, c'est parce que j'ai pris mon temps et que je préfère de loin au business le bon temps.